إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours 7 dans l'explication de al-usul al-thalatha, le sharh de Cheikh Zayd al-Madkhali de al-usul al-thalatha, et on est toujours donc dans l'explication du premier point de al-usul al-thalatha, lorsque le Cheikh explique les quatre choses qui sont obligatoires pour chaque musulman. Et on a expliqué que les choses qui sont obligatoires pour le musulman, la première chose c'est la science. Puis la science, ça implique de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître l'islam avec les preuves. Ensuite, on a expliqué que c'est de l'appliquer, c'est-à-dire d'appliquer cette science. Et ensuite, troisièmement, on a expliqué que c'était l'obligation pour le croyant d'inviter les autres à cette connaissance et à cette application. Puis quatrièmement, de faire preuve d'endurance face aux difficultés lorsqu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on invite les autres à l'islam, ou qu'on invite les autres à appliquer des aspects de la religion, ou qu'on leur appelle à abandonner des choses que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, alors dans ce cas-là, on aura des difficultés, des obstacles à surmonter, et donc il faut faire preuve de sabre, d'endurance dans ces situation là. Le cheikh dit la budda an yakuna sabiran li amrayn. Awalan la yadkhulu fi sabili ad-da'wati illa bis-sabr wa thaniyan idha da'a an-nas wajada shay'an yu'ariduhu aw yaridu da'watahu yastamiru fi dhalik mu'tamidan 'ala Allah 'azza wa jalla rajiyan ath-thawab minhu wa la'un minhu كما هو طريق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما بعثهم الله ليدعو أممهم إلى توحيد الله عز وجل وطاعته ومتابعة رسله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut absolument que le croyant il soit endurant et qu'il soit patient dans deux choses. Premièrement, il doit être endurant lorsqu'il entre dans la da'wah, lorsqu'il commence à vouloir inviter les autres à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué. Et deuxièmement, lorsqu'il appelle les gens, eh bien, il va trouver des oppositions, des difficultés, comme on l'a expliqué la dernière fois. Il faut faire preuve de patience, il faut persister et continuer dans cette voie et mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, espérer sa récompense et espérer son aide également. Allah subhanahu wa ta'ala, il aide la personne qui est sincère envers Allah, envers lui, et qui appelle à sa voix. Eh bien, même s'il a des difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient toujours en son aide, à son aide. Et il y a des versets dans le Coran qui montrent et qui mentionnent ce genre de choses. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuha nabi, yuballigh ma unzila ilayka min rabbik. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Ça veut dire, ô toi prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message, et lorsque tu transmets son message, Allah va te protéger contre les gens. Wallahu ya'asimuka minan nas. Hein? Ça veut dire, va te protéger contre les gens quand ils veulent essayer de te faire du tort. Et donc, ça c'est la voix des prophètes et des messagers lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour appeler leur peuple au tawhid, hein, et à l'obéissance du des messagers. Le Cheikh il dit ensuite, والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. La preuve de ces quatre points qu'on a mentionnés se retrouve dans ce verset, dans Sourate Al-Asr. Hein? Et on va expliquer comment ce verset-là, cette sourate, est une preuve de ce qu'on vient de mentionner. Le Cheikh il explique, il dit وَاسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّفِ hein, qu'est-ce que ça signifie cette sourate? C'est par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps que l'homme, il est en perte, il est en perdition. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont encouragés les uns les autres dans la vérité et qui se sont enjoints les uns les autres à être patients et endurants. Hein? وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Le Cheikh explique ça. Donc, il dit استدل المؤلف رحمه الله على هذه المسائل بقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم الله بالزمان على أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان وهو العلم العمل القلبي والتصديق الجازم بكل ما يجب الإيمان به من دين الإسلام. Donc, le Cheikh explique que l'imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné cette surah comme preuve pour les points qu'il a mentionnés. Et pour supporter ces preuves-là par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le Cheikh, il essaie de ramener pour chaque chose qu'il mentionne une preuve dans les textes de la religion, dans le Coran ou dans la Sunna. Donc là, il mentionne donc ce verset-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps que tous les hommes sont perdants ou sont dans la perdition, excepté celui qui possède quatre caractéristiques. Excepté celui qui possède quatre caractéristiques. La première caractéristique, illa alladhina amanu. Hein? Et illa alladhina amanu, al-iman, ça implique d'avoir la connaissance. Parce que tu peux pas croire, tu peux pas avoir une connaissance. Tu peux pas avoir une foi sans avoir la connaissance correcte. Hein? Si tu as une foi qui est pas basée sur la connaissance, eh bien ce sera pas une vraie foi, ce sera pas une foi correcte. Hein? La foi doit être accompagnée de connaissance. Sinon tu vas croire en n'importe quoi. Et qu'est-ce qui te fait rentrer dans la foi? C'est pas d'avoir n'importe quelle connaissance, c'est d'avoir une connaissance spécifique. Parce que la foi en laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, c'est pas n'importe quelle foi, c'est une foi spécifique qui est définie et délimitée par les textes de la révélation. D'accord? Donc, illa alladhina amanu, ça implique la connaissance et c'est l'action du cœur. C'est le fait de reconnaître et d'avoir une conviction, hein, ferme en tout ce qui est obligatoire pour nous de croire, qui fait partie de la religion de l'islam dans tous ses niveaux et dans tous ses degrés. Et la deuxième caractéristique, le Cheikh il dit, والصفة الثانية عمل الصالحات بالجوارح ويراد بها هاهنا الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وطلب للعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك من الأعمال التي يزاولها أهل الإيمان والإسلام على هدى من الله والإحسان بجوارحهم. Donc le Cheikh il dit que la deuxième caractéristique c'est وعمل الصالحات, qui font les bonnes œuvres. Hein? Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux quatre points que le Cheikh il a mentionné? Que la première c'est la science, d'avoir la connaissance. La deuxième c'est l'application. Donc l'application c'est ce point-là, c'est les bonnes œuvres وعمل الصالحات, qui font les bonnes œuvres. Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est les actes extérieurs, comme la prière, la salat qu'on fait cinq fois par jour, le jeûne du ramadan, la zakat, hein, qu'on donne une fois par année, le hajj, de faire le Hajj, qui est un des cinq piliers de l'islam, de faire le jihad, fi sabilillah, qui fait partie aussi des plus grandes formes d'adoration de la religion musulmane, hein, qui mérite peut-être même une des adorations qui mérite un des plus grandes récompenses dans la religion, et de faire la recherche et la quête du savoir, hein, et de la science, ça aussi c'est une adoration, hein, la quête du savoir c'est une adoration. Il y en a qui pensent que l'adoration c'est seulement par exemple faire des raka'at, et de faire des adorations comme par exemple tu fais des nawafil, des raka'at, ou bien de faire le jeûne et des choses de ce genre. Pourtant une des plus grandes formes d'adoration c'est la quête du savoir, de chercher le ilm, d'apprendre l'islam avec les ulama, de chercher à comprendre et à connaître notre religion pour pouvoir l'appliquer correctement. C'est un des partenaires du jihad dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis à côté du jihad dans le Coran. Ok? Et dans également d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ça aussi, ça fait partie du jihad. Hein? Puisque tu ordonnes le bien et tu interdis le jihad. Et le plus grand bien, comme on va l'expliquer plus tard, c'est le tawhid, d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand mal, c'est le shirk. Hein? C'est ça le plus grand bien, c'est le tawhid, et le plus grand mal, c'est le shirk. Et donc, si tu veux, par exemple, commencer par un autre bien, d'appeler les gens à un bien, mais tu n'as pas purifié le tawhid, c'est pas correct, parce que même si tu les appelles à d'autres biens, ça ne sera pas accepté tant qu'ils n'ont pas accepté le tawhid. Et si tu veux les avertir contre un mal, mais tu les laisses pratiquer le shirk, mais ça servira à rien, puisque le pire le plus grand de toutes les choses qui sont mauvaises, c'est le shirk. Et tant que quelqu'un ne s'est pas désavoué et débarrassé du shirk, eh bien, le fait de se débarrasser d'autres choses qu'il fait de mal, eh bien, ça ne va pas le sauver de l'enfer. Donc, de commencer par ces deux choses-là, et d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la da'wah. Ça aussi, c'est une forme d'adoration, hein, ça fait partie des bonnes œuvres. Et ça fait partie de amilus salihat. Et ainsi que toutes les autres bonnes œuvres que quelqu'un peut faire dans l'islam, parmi les gens qui ont la foi et qui pratiquent l'islam, et qui sont sur la guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui font du bien avec leur corps. Donc ça c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, as-sifatu thalitha wa tawasaw bil haqq. Hein? Wa tawasaw bil haqq. Hein? Ça veut dire at-tawasi bil haqq, de s'enjoindre les uns les autres la vérité, dans la vérité. Hein? Pas dans le faux. Et ça fait partie d'appeler les gens à l'islam, de faire la da'wah. Wa da'watu ilayh, c'est d'appeler à la connaissance et à l'application de l'islam. D'accord? Donc ça c'est le troisième point. Le cheikh il dit at-tawasi bil haqq wa la tatimmu hadhihi as-sifa li ahadin illa ba'da an ya'lam al-haqq. Fa ya'ud al-amr ila al-'ilm. Hein? In wujid. Fa huwa sababun li hidayati al-'abd wa li hidayati man yad'uhum ليهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى فمعرفة الحق يدخل في التواصي بالحق دخولا أولويا لأنك لا يمكن أن توصي الناس بالحق إلا بعد أن تعرفه وهذا هو الواجب وتواصي الناس بالحق على درجات متفاوتة بحسب تفاوتهم في معرفة الحق فهذا يوصي بالحق على سبيل الإجمال وهذا يوصي بالحق على سبيل التفصيل وهكذا كما قال الله فسالت أودية بقدرها كل بقدر حاله وبحسب استطاعته. Le cheikh il explique que la troisième caractéristique, donc comme on a dit, c'est d'appeler les gens à la vérité et d'enjoindre les gens à être sur la vérité. Et le cheikh il dit que cette caractéristique là elle ne peut être appliquée que après avoir possédé la science et de connaître qu'est-ce que c'est la vérité. Parce que si tu connais pas la vérité, tu peux pas appeler les gens à la vérité et tu peux pas même le faire toi-même. D'accord ? Et c'est la référence et c'est la base et c'est le critère. Une fois que tu as obtenu la connaissance, après tu es capable de juger entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Lorsque tu as appris la science qui est dans le Coran et dans la Sunna correctement et que tu l'as comprise, eh bien là par la suite tu es capable de l'utiliser et de juger et de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais si tu n'as pas de science, eh bien tu ne peux pas appeler à la vérité puisque tu ne la connais pas. Et tu ne peux pas distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux puisque tu n'as pas la connaissance nécessaire ou le critère nécessaire pour être capable de juger. Et c'est ça souvent qui manque, hein, c'est ça qui nous manque à notre époque. Déjà, à chaque époque, c'est toujours comme ça, mais à notre époque en particulier, parce que les hommes se sont éloignés plus de la religion que dans les époques précédentes. Hein? Et qu'est-ce qu'on remarque maintenant à notre époque, Allah al-Musta'an, c'est qu'il y a des gens qui parlent de religion, qui enseignent la religion, mais qui ne font pas partie de ceux qui ont la science. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas retourner aux savants de la religion pour apprendre leur religion, ils vont retourner vers d'autres personnes qui se sont, disons, parfois improvisées comme étant des savants. Comme par exemple, à notre époque, qu'est-ce que j'ai remarqué, et surtout même ici par exemple des fois à Montréal, des gens qui ont des spécialisations dans certains domaines, qui ne sont même pas des domaines de la religion, mais qui s'improvisent comme ça pour enseigner la religion musulmane, d'accord ? Ils n'ont pas fait des études islamiques, ils n'ont jamais étudié avec des savants de l'islam, mais ils se permettent d'enseigner l'islam. Et des fois, ils font des conférences, par exemple, à Montréal, ils vont faire une affiche dessus et écrire « Docteur un tel ». Il va faire une conférence sur l'islam. Oui, mais quand tu lis « Docteur », toi, tu penses tout de suite que c'est un docteur en religion, docteur en islam, en sharia, ou en hadith, ou en un autre domaine qui est relié à la religion. Mais lorsque tu vas voir cette personne, tu regardes, tu réalises que c'est un docteur en chimie, c'est un docteur en politique, c'est un docteur en économie, et non pas un docteur en sciences de la religion. Donc c'est un peu trompeur de la part de ces gens-là de mettre le titre de docteur alors que leur spécialité c'est pas la religion. D'accord ? Ils devraient spécifier, hein, docteur en sciences ou en chimie, puis après il dit qu'il va s'adresser sur un sujet. Et si au moins quand ces gens-là parlaient de la religion se référaient à ce que les savants ont dit, eh bien, à la limite, on pourrait dire que oui, ils font de la da'wa, ils se basent sur ce que les savants de l'islam expliquent, mais le problème, c'est qu'ils se basent sur leurs propres idées et leurs propres compréhensions, puis après, ils essaient d'interpréter l'islam de cette façon-là. Et ça, c'est totalement et absolument incorrect, hein, puisque chacun, il a sa spécialité. Est-ce qu'un savant de la religion va faire une conférence sur la chimie? Non. Hein? Est-ce que un savant de la religion va faire une conférence sur la médecine? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine, ce n'est pas sa spécialité. À moins qu'il ait des connaissances dans ce domaine-là et qu'il ait étudié chez ceux qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Hein? Ou à moins que ce soit la médecine prophétique. At-tibbun nabawi. Hein? Puisque ça fait partie des questions qui sont reliées à quelque chose que la personne possède comme science. Donc c'est comme Allah il dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui détiennent la connaissance, hein, et qui savent. Et ça c'est pas seulement pour les questions de religion, mais c'est dans tous les domaines en général. Chaque chose que tu veux connaître, que tu veux apprendre, tu demandes à ceux qui sont spécialistes et qui sont des savants dans ce domaine-là. Hein? Donc ça c'est très important. De bien comprendre ça, parce que à notre époque, c'est ça qui a ouvert la porte à beaucoup d'ignorance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les musulmans à ce sujet-là. Il a dit, il y a un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari justement à ce sujet-là, qui dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-nas ou min al-ibad, walakin يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que ces choses-là allaient arriver dans les temps futurs. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'enlève pas la science en l'arrachant du cœur des hommes, en leur enlevant comme ça, non. Il enlève la science des hommes par la mort des savants. Il prend leur âme, il prend l'âme des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent comme des responsables ou des chefs, des ignorants, et ils leur posent des questions sur la religion. Et eux, ils répondent, ils font des fatwas sans science. Alors, ils s'égarent eux-mêmes et ils font s'égarer les autres avec eux. Et c'est ça le danger. Et c'est ça qui se passe à notre époque, malheureusement. Hein? Et Allahul Musta'an, ça c'est quelque chose qu'il faut, il faut absolument faire attention à ce sujet-là. Aussi, il y a un autre point qu'on a remarqué, c'est que il y a les imams, par exemple, parmi les salafs, qui ont mis en garde à propos d'une chose très très importante, comme l'imam Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, pardon. Il a dit, si vous voyez que des gens se réunissent en privé, et qu'ils se disent, en privé ou à voix basse, des choses qui sont différentes de ce que les gens en général disent ouvertement, sachez qu'ils sont en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. C'est-à-dire que vous voyez que des gens ils se réunissent dans des endroits clos ou bien dans des petits groupes à l'écart des autres et qu'ils commencent à prêcher des choses qu'ils ne pourraient pas dire à haute voix devant tous les musulmans, sachez que ces gens-là sont en train d'appeler à un égarement. Parce que cette connaissance de l'islam, c'est pas une connaissance qui est secrète. C'est pas une connaissance qui est cachée. Hein? Et souvent vous allez remarquer des gens qui appellent à des idées d'égarement ou des groupes ou des innovations, ils se cachent pour en parler. Ils vont pas oser de le dire à haute voix devant tout le monde. Parce qu'ils savent que s'ils vont parler devant tout le monde, ils vont se faire critiquer ou ils vont se faire réfuter et on va montrer à tout le monde que ce qu'ils disent c'est en contradiction avec l'islam et en contradiction avec le Coran et la Sunna. Mais étant donné que ils ont justement des idées contraires au Coran et à la Sunna ou bien des idées extrémistes, ils n'osent pas en parler devant tout le monde et ils se cachent pour en parler, hein? Et que ce soit des idées de takfir, des idées de khuruj ou d'autres bid'a et d'autres formes d'égarement, tu vois toujours ces gens-là se cacher pour en parler. Ils n'osent pas dire ça devant tout le monde, qu'est-ce qu'ils pensent, alors que le vrai croyant, il n'a pas peur de ce qu'il croit, il n'a pas peur de ce qu'il pense. Et il dit ce que Allah dit. Et il dit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Et il dit ce que les sahaba ont dit. Et c'est ça la religion d'Allah. Donc il n'a pas à se cacher. Et j'écoutais, cette semaine, j'écoutais un dars de Cheikh Al-Fawzan justement à ce sujet-là. Il a dit, le problème, c'est justement ces gens-là qui parlent en privé et qui se cachent pour parler, qui donnent des cours dans des endroits fermés, dans des endroits clos, entre amis ou en groupe, et qui disent entre eux des choses différentes que lorsqu'ils sont devant les autres. Hein? Donc, lorsqu'ils parlent ouvertement et qu'ils enseignent devant tout le monde, au moins à la limite, on est capable de savoir ce qu'ils disent, et s'ils se trompent ou s'ils disent des choses fausses, on peut les corriger. On peut réfuter, on peut dire non, ça c'est faux. Mais quand ils le disent en secret, et quand ils essaient de rassembler des gens autour d'eux, et d'appeler à des choses contraires à l'islam en privé, là il n'y a aucun moyen de vérifier ce qu'ils disent. Hein. Tandis que si par exemple, ils parlaient ouvertement et publiquement devant tout le monde, ou bien qu'ils enregistrent qu'est-ce qu'ils disent, et ils le mettent sur internet, on entend, on est capable de dire non, là tu t'es trompé là. Ce que tu dis là, ça c'est pas correct. Mais étant donné que justement eux ils savent ça, ils veulent pas se faire critiquer, ils veulent pas se faire réfuter, ils se cachent pour parler. Et ça c'est une des portes vers les portes de l'égarement. Hein? Et nous en tant que musulmans on n'a rien à cacher. Tout ce qu'on dit, il n'y a rien de secret dedans puisque c'est dans le Coran et dans la Sunna. Il y en a parmi des gens parfois ils disent, non mon frère parle pas de ça. Parce que si tu parles de ça, les koufars ils vont entendre ça, après ça ils vont commencer à nous dire ci et ça. Et tu leur dis, ya akhi, tout ce que je dis, c'est ce qui est dans le Coran. S'il y avait un problème, déjà, eux, les kuffars, ils ont juste à ouvrir le Coran puis ils vont le trouver dedans. Hein? Et le Coran, ils peuvent le trouver partout, dans les bibliothèques publiques. Ils peuvent le trouver sur Internet gratuitement. Ils peuvent le trouver dans les librairies et aller l'acheter même. Parce que ça se vend même dans les librairies. Et moi-même, la première traduction du Coran que j'ai eue, quand je me suis converti à l'islam, c'est dans une librairie chrétienne que je l'ai acheté. Hein? Dans une librairie chrétienne, au centre d'achat des cathédrales. C'est là que je l'ai acheté, la première traduction du Coran, en anglais et français. Donc, n'importe qui peut se le procurer et vérifier qu'est-ce qui est écrit dedans. Et les hadiths, c'est la même chose. Il y a l'université McGill ici. Et dans cette université, il y a une section pour les études islamiques, sur McTavish. C'est une des plus grosses bibliothèques islamiques à l'extérieur des pays musulmans. Et tu trouves tous les livres de hadith, tous les textes de fiqh, hadith, tafsir, usul, n'importe quel domaine, n'importe quel sujet. Même, il y a des livres même en perse et en turc et en d'autres langues qui sont même pas des langues arabes. Et il y a des juifs et des chrétiens et d'autres gens, même des athées, qui se spécialisent dans l'étude de ces choses-là. Donc ils connaissent notre religion et ils savent qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ils étudient même les différentes sectes, parmi les différentes sectes qui se disent musulmanes. Et ils les connaissent en détail. Donc, il n'y a pas de secret pour eux dans ces choses-là. Hein? Donc il ne faut pas cacher, il n'y a rien à cacher de l'enseignement de la religion. Non. Donc ça c'est juste un point que je veux mentionner parce qu'il y a des gens comme ça. Et ça ça se passe en France, ça se passe ici, ça se passe ailleurs aussi. Et c'est ça qui est dangereux pour la da'wah, c'est ça qui est dangereux pour les jeunes. Que des petits groupes qui se réunissent en privé, ils s'enseignent des trucs entre eux, mais ils ne disent pas ça devant les autres. Et souvent c'est des gens qui appellent à des choses qui sont des formes d'extrémisme. Et c'est comme ça qu'ils prêchent leurs idéologies et que ça se propage. Hein? Oui, c'est sûr, parce que par la suite, ils vont, par exemple, souvent, les gens qui appellent à ces idées-là, comme par exemple les gens qui ont les idées de takfir, ou qui préparent par exemple des actes de terrorisme ou des trucs de ce genre, eh bien c'est comme ça qu'ils commencent leur da'wah, eux. Ils vont pas venir sur le minbar ou devant tout le monde commencer à dire aux gens « il faut aller faire sauter tel endroit, il faut aller tuer telle personne ». Non, ils disent ça en secret. Ils appellent les gens, ils essaient de les recruter petit à petit comme ça. Ils s'approchent d'eux, ils font des groupes d'amis, hein, ils les appellent à « viens, on va aller hein ». C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Ils vont dire « viens, on va aller jouer au foot, viens, on va faire un barbecue ». Ils font des activités comme ça, puis après ils s'assoient, puis ils commencent à parler des choses comme ça. Au début, tu ne penses pas que c'est un lien avec le mal ou quoi que ce soit. Mais ils ont d'autres idées derrière la tête, et ils veulent appeler à ces idées-là. Hein? Donc il faut faire attention à ça. Et non. Donc le cheikh, il dit ensuite que, yani, donc, il faut connaître la vérité, et yani, une fois que tu l'as connue, eh bien là, tu peux inviter les autres hein, à cette vérité-là. Et si donc tu possèdes cette science, eh bien ça, c'est une des causes dans la guidance du serviteur. Et pour ensuite être capable de montrer ou d'appeler les autres à cette guidance. Par la guidance d'Allah, tu pourras guider d'autres personnes aussi par la permission d'Allah. Parce que, donc, pour appeler les gens à la vérité, et pour s'en joindre à la vérité, il faut premièrement connaître nous-mêmes cette vérité-là. فَمَعْرِفَةُ الْحَقِّ يَدْخُلُ فِي التَّوَاصِي بِالْحَقِّ دُخُولًا أَوْلَوِيًّا لِأَنَّكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُوَاصِي النَّاسِ بِالْحَقِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهُ. هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ. Et les chrétiens, ils ont un truc qu'ils disent, ils répètent tout le temps. C'est dans leur livre aujourd'hui qu'ils répètent souvent ça, et c'est une chose qui est vraie. Ça dit « Know the truth, and the truth shall set you free hein? ». Connais la vérité, et la vérité va te libérer. C'est la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, hein, eh bien tu peux pas juger entre ce qui est vrai et faux. Hein? Si tu ne peux pas connaître la vérité, tu vas toujours être confus. Tu vas toujours te baser sur ce que les autres pensent pour essayer de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, c'est pas la référence pour déterminer qu'est-ce qui est vrai et faux. Hein? Donc tu vois ce comportement et cette attitude-là chez certains musulmans. Ils essaient toujours de se positionner eux-mêmes par rapport à ce que les autres pensent, pas par rapport à ce qui est expliqué dans le Coran et dans la Sunna. Et donc c'est pour ça que tu les vois, ils sont comme des girouettes. Vous connaissez les girouettes? Hein? C'est les trucs qu'on met sur les toits des maisons pour indiquer le nord, le vent, la direction du vent, le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Hein? Donc eux sont comme ça. C'est des gens comme ça, malheureusement. Quand le vent souffle vers l'ouest, ils tournent. Ou bien si le vent change de direction, ils changent de direction eux aussi. Ils sont pas fixes. Ils sont pas stables dans leur compréhension et dans leur connaissance de l'islam. Parce qu'ils se basent pas sur la vérité. Tu les vois un jour avec lui et le lendemain avec l'autre. Parce qu'ils se basent sur qu'est-ce que les autres pensent et sur les émotions et les sentiments et les passions. Non sur la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non sur la science qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non sur la compréhension des sahaba et des gens qui les ont suivis dans cette compréhension de l'islam là. Tandis que celui qui se base sur une science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il reste toujours sur la même ligne, sur la même voie. Il ne change pas avec le vent, avec les événements. Hein? Autour de lui c'est la tornade, le monde se bouscule, les gens changent vont dans tous les sens et dans toutes les directions, et lui il reste toujours sur la même voie, la même direction, et il va ni à gauche ni à droite. As-sirat al-mustaqim, il suit cette voie qui est droite. Hein? Et il y a un hadith, hein, qui est connu à ce sujet là qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé une ligne droite sur le sol. Et puis, il a tracé à gauche et à droite de ce trait, des petits traits. Hein? Comme ça, à gauche et à droite. Et il a pris ce verset-là, il a pris cette ligne-là, cette ligne droite, qui était le chemin droit, puis il a récité le verset. « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَلَا تَتَّبِعُوهُ فَلَا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dans Surat Al-An'am. Ça veut dire, et voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas as-subul, les petits sentiers à gauche et à droite, parce qu'ils vont vous diviser, hein, de son chemin. Hein, ils vont vous égarer de son chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est le chemin d'Allah, cette ligne droite, et les petits chemins comme ça à gauche à droite, ce sont les voies d'égarement, et au bout de chacun de ces petits chemins, il y a un shaitan, un diable, qui invite les gens à y entrer. Donc il y a une seule voie de la vérité, et il y a multiples voies d'égarement. Les voies d'égarement sont multiples, mais la vérité elle est unique. Hein? Ça c'est important de le comprendre. Donc ensuite le cheikh il explique, il dit وَتَوَاصِ النَّاسِ بِالْحَقِّ عَلَى دَرَجَاتِ. Donc le fait d'enjoindre aux gens la vérité, ça c'est selon des degrés. Ça c'est selon différents degrés. Hein? Et ces degrés-là dépendent de la connaissance de la personne et du degré de connaissance qu'il a. Plus quelqu'un a de la connaissance de la vérité, eh bien, plus il va être capable d'enjoindre les autres et lui-même à la vérité. Et donc, il y a des gens qui sont capables d'enjoindre et d'appeler à la vérité de façon générale, tandis qu'il y en a d'autres qui sont capables d'appeler et d'enjoindre les autres à être sur la vérité de façon spécifique et détaillée, parce qu'ils ont plus de compréhension et plus de connaissances. Et ça, c'est les ulama de l'islam. Tandis que d'autres musulmans, disons, qui ont moins de science et moins de compréhension par rapport à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, eux, ils peuvent appeler à la vérité, mais de façon générale. Comme par exemple, tu peux dire à quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas, par exemple, le tawhid, tu lui expliques, « Ya akhi, ça c'est le tawhid, ça c'est le shirk, de façon générale. » Tu lui dis, « Ça, akhi, il faut, par exemple, faire la salat. Il ne faut pas abandonner la salat. Il ne faut pas négliger la salat, et ainsi de suite. Hein? Il faut donner la zakat. Hein, il faut faire le jeûne de Ramadan de façon générale. Et si tu as plus de connaissances et plus de compréhension, là tu peux rentrer dans les détails et expliquer les choses et clarifier des choses plus spécifiquement. Hein, selon ton degré de connaissance et de compréhension et ainsi de suite. Et les ulama, ils disent faqidu shay la yu'ti. Celui qui possède pas quelque chose, pas le donner. Et donc, c'est pour ça que, hein, comme on a dit, il faut connaître soi-même en premier pour être capable d'enjoindre aux autres et d'appeler les autres. Donc, tu peux pas appeler à Allah et appeler à la vérité sans connaître la vérité, premièrement. Et c'est ça le problème souvent des gens qui appellent à Allah, mais qui n'appellent pas avec science. Et qu'est-ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'il y a des gens qui éloignent les autres de la science. Même, ils essaient de les empêcher d'acquérir et de connaître cette science. Hein, de différentes manières et de différentes méthodes. Et puis, on va en parler de ça, de toute façon, plus tard. Donc, chacun, il donne selon ce qu'il possède et selon sa capacité. وفي مقدمة الحق الذي يجب التواصي به توحيد الله تبارك وتعالى توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته ثم يأتي دور الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد على اختلاف أنواعها وأهمها الصلاة بعد الشهادتين ثم قرينتها الزكاة وهكذا بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان. Donc le cheikh explique que l'introduction ou la priorité dans le fait de s'enjoindre à la vérité, c'est bien entendu de commencer par le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique qu'on doit l'unifier dans sa souveraineté, le fait de savoir que c'est Allah seul qui est le maître, le créateur, le pourvoyeur, c'est lui seul qui a la capacité de faire vivre et de faire mourir, et c'est lui seul qui a la capacité de contrôler tout ce qui est dans l'univers, et c'est lui seul le maître de toutes choses. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle le tawhid dans la souveraineté d'Allah ou bien ar-rububiyya. OK, et il y a aussi le tawhid ou l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Wa alaykoum salam. C'est-à-dire de croire et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. De savoir que c'est Allah seul qui détient les noms et les attributs de perfection. Hein? Et il y a d'autres détails à expliquer là-dessus, mais c'est comme par exemple le fait que c'est Allah seul qui détient ses noms et ses attributs de perfection-là. Il ne faut pas donner des noms ou des caractéristiques d'Allah à une créature, et il ne faut pas donner non plus à la créature des caractéristiques divines et les élever à un niveau de divinité et commencer à les adorer, hein, ou à croire qu'ils possèdent la capacité de faire vivre ou de faire mourir ou de donner ou de retenir ou bien de contrôler quelque chose dans l'univers ou de connaître l'invisible ou des choses de ce genre. Si tu fais ça, tu as donné à une créature une caractéristique divine, hein, et donc tu as commis l'idolâtrie et le shirk, hein. Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, bon, il y a beaucoup d'aspects aussi de ça, on va y revenir. Puis ensuite, il y a l'autre niveau qui est après avoir compris le tawhid, hein, parce qu'il y a le tawhid dans l'adoration aussi, c'est-à-dire que tu dois reconnaître que c'est lui seul qui doit être adoré et qui mérite d'être adoré. Ça, c'est le tawhid le plus important, puisque c'est l'objectif du tawhid, l'objectif de croire en l'unicité de Dieu et que Dieu est unique. C'est-à-dire que de croire que Dieu est unique, c'est pas seulement de dire qu'il y a un seul Dieu qui existe et que c'est lui seul qui a créé le monde, mais le but et l'objectif de ça, c'est de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes, parmi ceux qui ne méritent pas d'être adorés, c'est-à-dire toutes les créatures qui n'ont pas les caractéristiques de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les créatures sont créées et donc elles sont, elles ont besoin de leur créateur, elles ont besoin de leur créateur, elles ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elles sont faibles en elles-mêmes. Elles sont faibles en elles-mêmes et donc elles ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si elles ont besoin d'Allah, elles ne méritent pas d'être adorées. Et celui qui les adore, il adore quelque chose de faux. Il adore quelque chose qui ne mérite pas d'être adoré, comme celui qui adore par exemple un prophète au lieu d'adorer Allah. Ou celui qui adore un ange au lieu d'adorer Allah. Ou celui qui adore un saint au lieu d'adorer Allah. Ou celui qui adore une tombe au lieu d'adorer Allah. Ou celui qui adore un djinn au lieu d'adorer Allah. Celui qui adore une idole ou une statue au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Hein, parmi toutes les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, toutes ces choses-là ne méritent pas d'être adorées parce que justement elles ne détiennent pas le pouvoir et la capacité et les caractéristiques divines de perfection. Ensuite, il y a l'application des obligations de la religion et les choses que Allah a ordonnées aux serviteurs, selon les diverses sortes et catégories d'obligations religieuses. Parmi ces obligations-là, la plus importante d'entre elles, après le tawhid, c'est la salat. D'établir la salat. Après avoir dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », c'est d'établir les salawat, les cinq prières par jour. Et cette salat, elle est le partenaire de la zakat dans le Coran. Lorsque vous allez lire le Coran, la plupart des versets où Allah mentionne la salat, « Wa aqimu salat », elle est toujours suivie de, en général, de « Wa atu zakat » et « Donner la zakat ». Et la zakat, c'est la purification de nos biens. C'est-à-dire qu'on donne une portion de notre argent après qu'elle ait dépassé un certain montant et après qu'elle ait passé une année complète. À partir de ce moment-là, ça devient obligatoire pour le croyant de donner une part de cet argent-là à ceux qui ont à ceux qui le méritent, c'est-à-dire parmi les pauvres et ceux qui rentrent dans les catégories qui sont mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Tawbah, les 8 catégories qui sont mentionnées. Mais la première catégorie, c'est les pauvres et les indigents, les gens qui n'ont pas de moyens. Ils donnent une portion de cet argent-là aux pauvres. Soit que ce soit de l'argent, s'ils possèdent de l'argent, soit que c'est par exemple, du bétail, s'ils possèdent du bétail comme richesse, parce qu'il y a des gens que leur richesse, c'est qu'est-ce qu'ils possèdent comme bétail, hein? Des moutons, ou des chameaux, ou des vaches, ou des choses de ce genre. Ensuite, la zakat, et ensuite les autres piliers comme le hajj et le jeûne du ramadan, et ainsi de suite. Et également, donc les piliers de l'islam, les piliers de la foi, et les piliers de l'ihsan, de l'excellence dans l'adoration. والصفة الرابعة الصبر بجميع أنواعه. الصبر بجميع أنواعه. أولا الصبر على طاعة الله. فيفعلها ويرجو ثوابها ويخشى عقوبة التقصير فيها. Premièrement donc, il est endurant sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'adoration d'Allah, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est difficile parfois, ou qui est lourd. Hein? Et donc, ça exige de notre part de la patience pour continuer à la faire, cette adoration-là. Hein? Comme par exemple, si tu n'as pas d'endurance et de patience dans l'adoration d'Allah, bien, tu risques de te décourager ou de perdre ta patience et ton endurance, et puis de la laisser de côté ou de la négliger. Donc, tu as besoin de patience et d'endurance pour être capable de l'établir, cette adoration-là. Et vous voyez dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est en toi seul que nous cherchons l'aide. Et pourquoi il mentionne al-'aun ou al-isti'ana, juste après avoir mentionné l'adoration, l'ibada, c'est parce que pour adorer Allah, tu as besoin de son aide. Tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. Tu as besoin de son support et tu as besoin de l'endurance. Et ça, ça vient avec l'aide d'Allah. Donc, tu fais cette adoration-là en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en craignant le châtiment d'Allah si tu as des négligences ou des manquements dans cette adoration-là. Tu crains son châtiment. Et deuxièmement, الصبر عن معصية الله الصبر عن معصية الله فيبتعد عنها لما فيها من الخطر في الدنيا والبرزخ والآخرة وما هلكت الأمم السابقة الذين أخبر الله عز وجل عنهم في محكم القرآن إلا بسبب المعصية إذ منهم من أغرق الله إذ منهم من أغرقهم الله ومنهم من أنزل بهم صاعقة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسف الله به الأرض ومنهم من مسخوا قردة وخنازير كل ذلك بسبب شيء واحد وهو معصية الله تبارك وتعالى لأن الله يجب أن يطاع فلا يعصى فمعصية الله جريمة منكرة توجب غضبه ومقته وسخطه وأليم عقابه. Donc le cheikh il explique ici que il faut non seulement avoir de l'endurance dans l'adoration d'Allah mais également avoir de l'endurance dans le fait de s'abstenir et de se retenir de la désobéissance et des péchés. Parce que les péchés, c'est quelque chose qui nous attire, c'est quelque chose qui nous, qui nous tente, et il faut se retenir de ces tentations-là, face à ces tentations-là. Et ça, ça nous demande de l'endurance. Lorsque tu es tenté par le shaitan, par ton nafs, de suivre ton désir et de rentrer dans le péché, tu dois faire preuve d'endurance pour être capable de cesser, ou de te retenir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois t'écarter de tout ce qui représente un danger pour toi dans cette dunya et dans le barzakh. Dans le barzakh, c'est quoi? Le barzakh? Naam, c'est dans la tombe. C'est l'étape intermédiaire entre ce monde ici et le monde de, après la résurrection. Donc, entre les deux, il y a qu'est-ce qu'on appelle le barzakh. Hein, c'est quand tu es dans ta tombe et que il y a le châtiment de la tombe et le délice de la tombe. C'est une étape entre notre monde et l'au-delà. Hein, on l'appelle al-barzakh. Al-barzakh en arabe, ça veut dire une barrière. C'est ça que ça signifie. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut représenter un danger pour toi, soit dans cette dunya, parce que Allah, il peut te punir dans cette vie avant l'au-delà, si tu désobéis. Ou bien dans le barzakh aussi, il y a le châtiment de la tombe. Ou bien dans l'akhira, c'est-à-dire dans l'enfer. Hein? Donc, tout ce qui peut représenter un danger pour toi dans ce sens-là, tu dois t'en écarter et te retenir de ces choses-là. Et regardez, comme le cheikh il dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala a puni et a fait périr des peuples qui nous ont précédés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en parle de ça dans le Coran. Il les a uniquement fait périr à cause de leurs péchés. À cause de leurs péchés. Et il dit, parmi eux, il y en a que Allah subhanahu wa ta'ala a noyé. C'est-à-dire, il a fait que un déluge tombe sur eux. Et ils ont été noyés. Et encore aujourd'hui, on le voit. Regardez les tsunamis qui se passent. Regardez les inondations qui se passent un peu partout. Hein? Il dit, « وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْزَلَ بِهِمْ صَعِقَ » Il y en a qui sont frappés par les foudres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a d'autres qui sont pris par un cri d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres qui sont avalés par la terre. Allah subhanahu wa ta'ala fait que la terre les avale. La terre s'enfonce et ils sont engloutis. Et il y en a d'autres, comme on voit maintenant qu'est-ce qui se passe avec les tornades, et les ouragans et les choses de ce genre. Et il mentionne aussi qu'il y en a d'autres qui ont été même métamorphosés en porc et en singe. Subhanallah. Le cheikh, il met une note de bas de page ici. Il dit, « وَيُشِيرُ الشَّيْخ حَفِظَهُ اللَّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Il mentionne ce verset-là dans Sourate Al-Ankabut, le verset 40, où Allah subhanahu wa ta'ala énumère les différents châtiments qu'il a donnés aux différents peuples, hein, à leur époque. Certains d'entre eux ont été noyés, certains d'entre eux ont été engloutis par la terre, certains ont été pris par un cri, et d'autres, yani, ils ont été, yani, également punis de différents, donc, différents châtiments. Et ceux qui ont été transformés en porc et en singe, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Baqarah à ce sujet-là. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ hein? Dans Surat Al-Ma'ida aussi. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ Donc, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que ça, c'est parmi les juifs que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait que ceux qui, parmi eux, avaient par exemple, ils n'avaient pas respecté le sabbat, Allah subhanahu wa ta'ala les a métamorphosés, hein, en porc et en singe, à cause de ça. Et il y en a qui disent à cause de ça, parfois vous allez entendre certains qui disent, ah, c'est les descendants des porcs et des singes. Ils disent que les juifs, c'est les descendants des porcs et des singes. Mais ça, c'est incorrect. Parce que les ulama, ils ont expliqué que ceux qui ont été métamorphosés en porc et en singe parmi les juifs, à cause de la désobéissance, à cause du fait qu'ils n'ont pas respecté le sabbat, ils n'ont pas eu de progéniture. Ils n'ont pas eu de progéniture, c'est-à-dire ceux qui ont été métamorphosés, ils sont morts, ils se sont pas reproduits. C'est-à-dire ils n'ont pas eu des progénitures. Donc, ceux qui disent ça, ils se trompent. Hein? Ils n'ont pas raison de dire ce genre de choses-là. Ensuite, le cheikh, il dit, la cause de tous ces châtiments-là qui sont tombés sur ces différents peuples, c'était uniquement une seule chose, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont désobéi. Donc, le cheikh, il dit, parce qu'il est obligatoire qu'Allah soit obéi. Et la désobéissance d'Allah, c'est un grand crime, hein, qui fait en sorte que quelqu'un, hein, reçoive la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et son courroux, hein, et son châtiment douloureux. Donc ça, c'est très dangereux, hein, c'est très dangereux pour nous. Lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout lorsqu'on vit dans un pays où tout ce qui est autour de nous, c'est de la désobéissance d'Allah. Quand tu sors de chez toi, quand tu sors de la mosquée, tout ce que tu vois autour de toi, c'est de la désobéissance d'Allah. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ce quartier en particulier ici, c'est le centre-ville, et en particulier dans l'entourage autour, c'est un des quartiers les plus pourris, disons, de Montréal, mais on voit que c'est beaucoup moins pire maintenant que c'était il y a peut-être 10 ans, par exemple. Hein, parce qu'avant, je me rappelle, c'était beaucoup plus grave que ça. Maintenant, ça commence à s'améliorer petit à petit, le quartier commence à se nettoyer un peu, mais il y a encore toutes sortes de choses qui se passent bizarres, mais disons que ça s'améliore. Mais le plus grave de tous les péchés, c'est pas ça qu'on voit dehors, là. Hein? Le plus grave de tous les péchés, c'est le kufr et le shirk. Et c'est ça que les gens oublient. Les gens, ils disent, ah, il y a de la prostitution, il y a de la drogue, il y a ci, il y a ça. Ça, c'est des petits péchés à côté du shirk. Ça, c'est rien à côté du shirk. Le plus grave, c'est le kufr et le shirk. Le prêtre, là, qui est dans son église, et qui enseigne aux gens d'adorer Jésus, Marie, la croix, il fait un péché plus grand quand il fait ça que la prostituée qui est au coin de la rue, ou bien l'autre qui vend de la drogue. Parce que le shirk, c'est le seul péché qui va pas être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que ces autres péchés-là, par rapport au shirk, hein, Allah peut les pardonner pour celui qui meurt sans se repentir sur ces choses-là. C'est pas pour dire que la drogue, la prostitution ou le zina ou des choses comme ça, que c'est pas grave. A'ouzou billah, ce sont des graves péchés parmi les plus grands, parmi les grands péchés, les kaba'ir. Et celui qui les commet, il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et la menace de son châtiment. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des châtiments très sévères, hein, dans son Coran à propos de ces péchés-là. Mais c'est pour faire comprendre que quand on les place de façon, quand on veut les mettre en relation avec la aqidah et le tawhid, il faut comprendre que le plus grave, le plus dangereux de tous les péchés, c'est le shirk et non pas ces péchés-là. Hein? Parce que des fois, on manque nos repères quand on manque justement le fait de mettre les choses dans la balance du Coran et de la Sunna et de voir les choses selon leur vraie perspective. D'accord? Non, il n'y a pas de problème. C'est parce que, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en fait, qu'est-ce qu'il dit le verset? C'est que peu importe que vous ayez de la haine contre un peuple, et ne laissez pas cette haine vous pousser à ne pas être juste. Tu comprends? Et Allah il dit dans la suite, il dit I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Soyez juste, c'est plus proche de la piété. Donc vous avez de la haine pour des peuples mécréants parce qu'ils font du kufr et du shirk et des péchés. Mais que ça vous amène pas à être injuste envers eux, hein, et à dire des choses à leur sujet qui dépassent la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et donc ça c'est important. Et ensuite le cheikh il dit إذن من أنواع الصبر من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله لا يقرب لا يقربها يعني لا يقربها يعني لا يقرب معصية الله وإن وقع فيها أسرع إلى الله بالتوبة تائبا صادقا ومستغفرا منكسرا بين يدي الله يتبع السيئات بالحسنات كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Il dit le cheikh que parmi les différentes catégories de patience et d'endurance, il y a le fait de faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire qu'il faut se retenir et être endurant dans le fait de s'en écarter et de ne pas s'approcher des péchés, hein. Et si jamais, par faiblesse ou par passion, tu tombes dans une désobéissance d'Allah, tu dois te précipiter à te repentir et à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussitôt que tu tombes dans une désobéissance, tu retournes repentant, sincère, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner ce péché. Et tu te tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme le cheikh dit, munkasiran, c'est-à-dire tu te tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et avec crainte et avec avec remords, hein, et avec sincérité et avec piété, en pleurant devant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te pardonne. Et tu fais suivre ce péché-là par des bonnes actions. Inna al-hasanat yudhibna al-sayyat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les bonnes œuvres, elles effacent et elles font partir les désobéissances et les péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans Surat Hud, le verset 114. Inna al-hasanat yudhibna al-sayyat. Donc, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit واتبع السيئه الحسنه تمحوها, fais suivre la mauvaise action par une bonne et ça va l'effacer, ça va effacer cette mauvaise action là. Donc ça c'est rapporté par Tirmidhi dans son Sunan, et Cheikh al-Albani rahimahullah il l'a authentifié, il l'a déclaré hasan dans Mishkat al-Masabih, Mishkat al-Masabih. Donc, comme on disait, c'est ça. Aussitôt que tu commets un péché, tu te repens. Il faut pas jamais, hein, ça c'est très important, il faut jamais dévoiler nos péchés aux gens. C'est-à-dire que si tu as commis un péché, garde-le entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il l'a couvert ce péché-là. Puisqu'il a fait en sorte que personne ne sache. Alors ne va pas le dire aux gens, ne va pas dire aux gens le péché que tu as fait. Des fois, il y a des gens qui font l'erreur quand ils veulent poser une question à quelqu'un par rapport à un péché qu'ils ont fait. Ils vont voir l'imam ou le cheikh, ils disent « Cheikh, j'ai fait tel péché ». Non, tu vas pas dire à l'imam « j'ai fait tel péché ». Tu vas dire au cheikh ou à l'imam, par exemple, si quelqu'un a fait tel ou tel péché, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien, je connais quelqu'un, il a fait telle ou telle chose, il veut savoir qu'est-ce qu'on fait pour réparer ce péché-là. Pas de dire au cheikh que toi tu commets ce péché-là. Parce que ça, dans ce cas-là, tu dévoiles ton péché. Hein? Et des fois, il y a des gens qui ne savent pas ça. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand des gens qui font ça, parfois, il y a des gens qui sont convertis à l'islam, ils vont dire, oh, moi, avant l'islam, je faisais ça, des péchés qu'ils faisaient avant l'islam. Il ne faut pas dire aux gens, qu'est-ce que tu faisais avant l'islam? Tu le gardes entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, c'est plus facile qu'il accepte ta repentance et que tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Ça, justement, cette question-là, elle a été posée à Cheikh Al-Fawzan. Au sujet de certains, par exemple, il y a des gens qui faisaient du rap, ou bien qui chantaient, ou bien qui étaient dans le péché, ils faisaient des choses, et puis là, ils se sont repentis à Allah, ils sont rentrés dans l'islam, ou bien ils sont revenus à la religion, et puis ils disent, oui, avant, je faisais ça, maintenant Allah, il m'a guidé, et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont, par exemple, donner une leçon pour les jeunes, pour dire, revenez à la religion, faites pas de péché, non. C'est pas, le cheikh il a dit non, c'est pas de cette façon là. La façon c'est de dire aux gens il faut faire ça et il faut pas faire ça. Mais pas besoin que tu donnes des exemples, par exemple, à tes péchés à toi. Hein? Ça c'est pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith authentique, il a dit Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. C'est-à-dire, tous les gens de ma umma seront pardonnés, excepté ceux qui exposent leurs péchés. Yajhar, yujahir, c'est-à-dire il montre son péché, il expose son péché devant les gens. Ça c'est grave. Des fois vous entendez des gens qui disent dans les pays musulmans il y a des péchés mais c'est en cachette, les gens font des péchés en cachette et ils pensent que ça c'est quelque chose nécessairement mauvais. Hein? Et au contraire non. C'est sûr que on doit être obéissant à Allah en public et en privé. Ça, c'est la règle. Sauf que le croyant, il doit être gêné, non seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi des hommes. Et lorsque les gens sortent et font des péchés en public, c'est beaucoup plus pire que lorsque tu fais un péché caché et en privé. Hein? Et c'est pour ça que les ulama, ils expliquent tout le temps que quelqu'un doit toujours essayer de limiter le mal à sa personne. Déjà, il doit s'abstenir lui-même de le faire, mais si jamais il tombe dans un péché, il doit éviter le plus possible de transmettre ce péché-là aux autres, ou d'influencer les autres par ce péché-là, et de le limiter le plus possible à sa personne, lui, et de pas être la cause de la transmission ou de l'influence des autres dans ce péché-là. Hein? Donc, il y a des gens comme ça. Il faut bien comprendre ça. C'est parce que, pourquoi? Parce que lorsque tu es la cause de la transmission ou de la propagation d'un péché, tu n'auras pas seulement la punition, tu n'auras pas seulement la punition de ton péché à toi, pour avoir commis ce péché-là, mais en plus, tu auras la punition de tous ceux qui t'ont suivi. Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier et va te calculer les péchés de ces gens-là qui t'ont suivi dans ce péché-là. Et dans le bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que si tu as fait le bien et que tu as été une cause de la propagation du bien, tous ceux qui te suivent dans le bien, tu auras leur récompense aussi. Donc, le mal que tu fais, limite-le à toi-même. Hein? Et le mieux, bien entendu, l'obligation, c'est que tu t'abstiennes pour toi-même de faire le mal. Mais si jamais tu tombes dans le mal, essaie de faire en sorte que ce mal se limite à toi-même. Et il y en a des fois qui sont influencés, parmi les musulmans, qui sont influencés par les kuffars. Et qui ont développé cette idée maintenant, de dire que non, je suis fier de mes péchés, je suis fier de mes erreurs. Hein? Il y en a qui disent ça. Non, je suis fier de mes péchés, je suis fier de mes erreurs, je les assume. Comment tu peux assumer tes erreurs de cette façon? Que tu les assumes, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux assumer le châtiment d'Allah? Non. Donc ça c'est une forme de fierté, de takabbur. Ça c'est grave. Donc le croyant il doit faire preuve d'humilité. Et une des conditions de la repentance, c'est que tu fasses preuve de remords de ton péché. Les conditions de la repentance sont de 4, ou même 5 parfois. La première condition, c'est d'être sincère avec Allah, c'est-à-dire que tu te repens pour Allah seul. Tu demandes pardon à Allah, tu reviens à Allah repentant pour Allah seul. Deuxième condition, c'est que tu aies des remords et que tu regrettes le mal que tu as fait. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Celui qui ne regrette pas son péché, celui qui dit astaghfirullah, puis dans son cœur il est content, ou il se sent à l'aise de son péché, il ne s'est pas repenti. C'est pas vrai. Il dit juste astaghfirullah avec la langue. Mais la vraie repentance, c'est avec le cœur en premier. Donc, il faut avoir des remords dans son cœur pour le mal qu'on a fait. Troisièmement, il faut cesser immédiatement de commettre ce péché-là, immédiatement. Il ne faut pas que tu le retardes. Tu dis, ah, je vais arrêter demain, ou après-demain, ou l'année prochaine, ou je vais attendre plus tard, je vais arrêter. Hein? Non, tout de suite, tu dois t'arrêter, tout de suite, maintenant, de le faire. Hein? Il y en a des femmes qui disent, par exemple, ah, je ne mets pas le hijab, mais ce n'est pas grave, je vais attendre de mettre le hijab quand je vais me marier. Hein? Alors que tous les jours que tu sors sans ton hijab, tu es en train d'accumuler des péchés. Dans ton livre dans ton livre que tu vas recevoir au jour de la résurrection, chaque jour ça s'accumule, les péchés que tu fais parce que la femme ne se voile pas. Hein? Chaque fois, c'est des choses comme ça. C'est un exemple seulement, le voile. Il y a plein d'autres exemples comme ça aussi. La femme met un foulard sur sa tête, mais elle porte des jeans et des pantalons avec. Elle pense que ça, c'est le hijab. Elle accumule des péchés pour ça aussi. Hein? Donc, etc., et ainsi de suite. Hein? L'homme, il fume la cigarette. Il accumule des péchés. Il se fait du tort à lui-même, il fait du tort aux autres aussi, avec ça. Qu'il accumule des péchés. Et il dit, je vais arrêter demain, après-demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine. Non, tu dois t'arrêter maintenant. Et quatrième condition, tu dois avoir la ferme volonté de ne plus jamais revenir à ce péché-là. C'est-à-dire que tu dis, tu ne veux plus jamais refaire ce péché-là. Et ça, il faut que ce soit sincère en toi-même, à ce moment-là. Que tu auras la ferme volonté de ne plus revenir. Naam. Naam. Barakallahu fik. Donc, qu'est-ce que tu mentionnes? Eh bien, comme par exemple, quelqu'un, sa foi, à un moment donné, elle a monté. Et là, il a la ferme volonté, il a des remords, il a la ferme volonté de ne plus refaire ce péché-là. Et il s'arrête immédiatement de le faire. Et là, il continue comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, disons que sa foi, elle descend un peu. Et là, par erreur, il retombe encore une fois dans ce même péché-là pour lequel il s'était repenti la première fois. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir à nouveau. Et sa première repentance, elle est valable encore. Parce que au moment où il s'est repenti la première fois, il était sincère. Hein? Il était sincère. Et il a respecté les conditions de la repentance. Donc, à ce moment-là, sa repentance, elle était valable. Et quand il est retombé dans le péché une deuxième fois, maintenant il doit refaire une nouvelle repentance encore une fois. Et il doit être sincère encore une fois. Hein? Et ainsi de suite. Même si il va retomber 1000 fois dans le même péché, si à chaque fois qu'il se repent, il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va le pardonner à chaque fois. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est large en pardon. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Ton Seigneur, il est large en pardon. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Il dit: Ô mon serviteur qui a dépassé la limite contre son âme, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés et il est certes pardonneur et miséricordieux. Hein? Et il pardonne tout, même le shirk, mais à celui qui se repent. Tandis que celui qui meurt sans se repentir, il pardonne tout sauf le shirk à qui il veut. Naam, ça c'est une autre condition, comme une cinquième condition que les ulama mentionnent. Si le péché que tu commets implique une tierce personne, le droit d'une autre personne, alors là, dans ce cas-là, il faut non seulement que tu te repentes en toi et Allah, mais que tu répares le mal que tu as commis envers l'autre personne. Ou si ça, par exemple, quelqu'un a volé de l'argent à quelqu'un, il ne peut pas juste dire « Ah, je me repens à Allah » et il garde l'affaire qu'il a volée. Non, il se repent et il répare le mal qu'il a fait en rendant à la personne la chose qu'il lui a volée. Hein? Ou bien quelqu'un, il a fait du tort contre quelqu'un, il a parlé derrière son dos. C'est pas juste qu'il va se repentir entre lui et Allah, puis il laisse ça comme ça. Non, il doit aller demander des excuses à la personne contre qui il a parlé de son dos. Sinon, c'est pas correct. Et la même chose pour quelqu'un, par exemple, qui a appelé à une bid'a ou à des égarements, des choses de ce genre dans la religion. C'est pas juste suffisant que, par exemple, tu vas dire « Ah, je me suis repenti entre moi et Allah ». Et ta parole que tu disais qui était contraire à la vérité, elle s'est propagée parmi les musulmans et parmi les gens. Et beaucoup de gens se sont égarés à cause de toi. Donc c'est pas juste que tu dis « Je demande pardon à Allah » et puis c'est fini. Non, il faut que tu te repentes, mais que tu corriges les fautes que tu as faites. Et les gens que tu as induits en erreur, tu dois réparer l'erreur que tu as faite en leur clarifiant la vérité par la suite. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, « Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwab rahim. » C'est-à-dire, excepté ceux qui ont fait tawba, tabu, c'est-à-dire se sont repentis, wa aslahu, c'est-à-dire ils ont corrigé et réparé le mal qu'ils ont fait, et ils ont expliqué et clarifié le mal, hein? Et ils ont clarifié la vérité et expliqué aux gens l'erreur. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Cela, oui, je vais accepter leur repentance et je suis le repentant, hein? Et le miséricordieux. Donc il faut bien comprendre ça, bien comprendre ça, parce que beaucoup de gens, ils pensent que la repentance, c'est juste comme, astaghfirullah, puis c'est fini. Non. Il y a des règles et il y a des conditions à respecter pour que Allah accepte notre repentance. Sinon, si on ne respecte pas ces conditions-là, eh bien entendu, ça n'aura pas une grande valeur et ce ne sera pas accepté. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera l'explication à ce sujet-là. Le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.